s'aligne, fonce dans la ville, je suis constant. On se l'aligne, fonce dans la ville, toujours conscient. On se l'aligne, fonce dans la ville, je suis constant. On se l'aligne, fonce dans la ville, toujours conscient. Hey, je suis tout seul dans la pièce, y'a plein de bitches dans la pièce. En vrai j'assure quoi. Yeah. On va pas vous rassurer, mais pourquoi tu forces? On le fait sans effort, le temps bientôt va couler. On le fait et puis c'est tout, on se pose pas de questions. Toi tu veux des réponses, faut que tu te calmes à présent. Même plus besoin de te présenter, on fait ce truc et c'est rentable. Dans la rue les gens en parlent, ya, yeah. Ouais. Faut que j'arrête de conce, je respire de plus en plus fort. 10 piges dans le terre, 5 dans le lin. Nina fait des trucs de plus en plus corps. Elle m'envoie vider en quand elle se touche dans son corps. Je prépare pas ma rive pour quoi que c'est. Mon papa descend pas là, son nul lâché. Samouraï, cartus, hard sur la copa type. On fait mal comme cocotaille, elle est 17 la poco style. J'ai perdu mon flow dans un cul. J'ressors de l'eau comme psycho quad. Sur scène, full feu comme super quad. On trempe dedans, tu fais l'AK. Toujours fort, là j'suis dans la trempe comme Wanka. Je pose mon boom stop et je me demande mais pourquoi t'étais dans ma île. Je pose mon boom stop et je me demande mais pourquoi t'étais si naïf. Je pose mon boom stop et je me demande mais pourquoi t'étais dans ma île. Je pose mon boom là et je me demande mais pourquoi t'étais si naïf. Pose pas de questions, je suis là, je prends de questions. Pose pas de questions quand je te dis ça, l'arrêt au fond. Choqué mental, je suis cette wax. Psychomantis, dernier poste dans Metal Gear solide. Solide. J'ai défoncé sur le lit. C'était chaud comme Sonic, le pedigree d'un G comme Chicken Jaffa.